cheveux mains, j'ai écrit sur mon bras ton nom comme un refrain. Car je ne sais pas pourquoi tu es parti, mais dites-moi pourquoi elle est partie. Sur ma guitare folle, sonne la mise à mort. Car je ne sais pas pourquoi tu es parti, mais dis-moi pourquoi elle est partie.